réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le lundi 4 avril 2016 et toute cette semaine, je serai avec l'historien Shlomo Sand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage à Paris pour présenter votre dernier ouvrage traduit de l'hébreu par Michel Bilis. C'est aux éditions La Découverte, la fin de l'intellectuel français, point d'interrogation, de Zola à Houellebecq. Et justement, nous allons tenter de faire avec vous toute cette semaine une petite histoire des intellectuels français. Aujourd'hui, premier épisode. Et puis en deuxième partie, je reçois Jacques Weber, le comédien. D'une part parce qu'il va être au théâtre bientôt, mais aussi parce qu'il signe la préface de l'édition du manuscrit de Madame Bovary de Flaubert. C'est aux éditions des Saint-Père. Mais tout de suite, tête chercheuse. Intellectuel français, une histoire à écrire, point d'interrogation, par l'historien Shlomo Sand. Aujourd'hui, premier épisode, Paris, une Athènes moderne. Là, on va parler de l'époque où le terme intellectuel n'existait pas, c'est-à-dire l'époque de Rousseau, par exemple. Oui, oui, c'est 18e siècle, et la modernité commence. Et une chose très importante pour la France, les Lumières, des personnes comme Voltaire, Diderot, Jean-Jacques, Holbach, etc. C'est-à-dire, il y a des intellectuels, les naissances d'intellectuels, et pas seulement des hommes de lettres ou des gens de lettres, mais des intellectuels critiques. Les mots n'existent pas encore, mais c'est des philosophes critiques face au pouvoir, face à idées reçues, face à l'Église. Et voilà, c'est la France, le centre du monde. Et si vous voulez, une certaine Athènes, au point de vue de la pensée, naissent dans la modernité européenne. Leur statut n'est pas stable pour le moment, c'est-à-dire il y a toutes sortes de statuts avec ces gens-là. Une partie, ils ont des propres argent, et les autres cherchent toute leur vie d'argent, comme Voltaire par exemple, un appui. Donc la situation, les choses importantes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, cette pensée vive, neuve, ne naît pas de l'université de l'époque. Ils naissent dans les salons. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut poser la question, pourquoi pas dans l'université? Donc, à l'université, à cette époque, il y a des gens brillants qui s'occupent beaucoup de théologie. Donc, si vous voulez, la naissance de la pensée moderne par rapport à la politique, par rapport à la sociale, naissent hors de l'université de cette époque, hors de toutes les institutions. Bon, il y a les formes des salons qui commencent à se constituer, et l'échange intellectuel à cette époque, ça fait dans les salons parisiens. À quel moment ces hommes de savoir, de lettres, ces philosophes aussi, à quel moment ils vont avoir un poids dans la société, ou du moins être reconnus par les pouvoirs en place, pouvoirs politiques, pouvoirs financiers, et avoir une aura auprès du peuple? Oui, vous savez, il n'y a pas encore les mass médias comme aujourd'hui. Je crois que la plupart des paysans à cette époque qui vivent sur le territoire de la France moderne ne connaissent pas ces noms-là. Mais comme je dis salon, les premiers qui ont reçu ces idées, c'est très intéressant, c'est les femmes. C'est-à-dire les femmes qui ont le temps, c'est-à-dire les maris peuvent être d'aristocrates ou des bancaires ou des commerçants. Et c'est les femmes qui organisent les salons. Et ces philosophes qui se traînent dans les salons essayent de plaire aux femmes. Donc, si vous voulez savoir les premiers auditeurs de cette nouvelle pensée, c'est des femmes parisiennes. Et bon, après, on peut élargir, c'est-à-dire il y a de nouvelles couches sociales qui reçoivent une éducation et commencent à lire le livre. Et aussi des hommes politiques qui commencent à faire attention à ces nouveaux écrits. Je crois que seulement avec les révolutions françaises que ces écrits deviennent plus populaires. Il y a la presse, c'est-à-dire qui naît à cette époque, et durant la révolution, cette presse devient beaucoup plus... Il ne faut pas oublier que la majorité des gens étaient analphabètes à cette époque, c'est-à-dire ils ne savaient pas lire. Mais dans la révolution, il y a des gens qui commencent à lire les journaux devant un large public. Donc ces idées-là, je ne crois pas que ces idées ont fait la révolution. Mais je crois que comme la révolution a commencé, les révolutionnaires et les autres ont cherché ces idées neuves. Et voilà, c'est entré dans l'histoire intellectuelle de la France et de l'Europe et du monde. Mais c'est Saint-Simon, en 1824-25, qui utilise la première, les termes intellectuels. Il y a deux utilisations. Je peux dire que l'intellectuel, c'est homme de savoir en soi. Et je peux dire que c'est un homme de savoir qui entre dans la scène public, avec des jugements, des valeurs, etc. Donc, il y a cette côté engagé, mais je n'ai pas dit encore à quoi. C'est-à-dire, il veut influencer la scène publique, les pouvoirs, les autres gens de lettres. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans son coin, en train d'écrire et de ne pas penser sur le monde. Voltaire Rousseau met les bases d'un développement idéologique très important, moderne, qui contient cet côté de humanisme universaliste. Ce n'est pas les gens qui pensent seulement, mais c'est les gens qui ont des valeurs, ont des jugements sur presque tous les sujets. Ils sont différents, complètement différents, Voltaire et Rousseau. C'est du courant que se cristallise une libérale, l'autre démocrate. Et Jean-Jacques Rousseau attaque l'institution en place, les idées, les principes des monarques, et en avançant l'idée que vous pouvez imaginer au XVIIIe siècle, quelqu'un pense que tous les gens naissent égaux. Cette idée est révolutionnaire pour cette époque. Et le père d'idées démocratiques, c'est Jean-Jacques Rousseau. Maintenant, Diderot aussi lutte contre l'Église, lutte contre les idées reçues. Il constitue l'événement des XVIIIe siècle éditoriaux, c'est l'encyclopédie. Il est l'éditeur de cette grande œuvre, l'encyclopédie, qui va servir pendant de longues années toutes les intellectuels en France et aussi hors de la France. Mais c'est incroyable, et Diderot paye à cause de ça. Et on le cherche, on le met en prison à certains moments. Et Voltaire. Bon, Voltaire s'engage ouvertement, c'est les premières Zola, si vous voulez, dans l'histoire des intellectuels européens. Parce que dans les affaires de Cala, qui on accuse quelqu'un à tort, il s'engage au fond pour défendre l'accusé. Et c'est devenu une sorte de modèle. Je crois que Voltaire, c'est un grand modèle d'intellectuel engagé. Je souligne que cette époque, la plupart des penseurs, à cette époque on dit penseurs, philosophes, gens de lettres surtout, savent qu'être un genre de lettres, et d'ailleurs, Voltaire essaye de définir qu'est-ce que c'est des gens de lettres. J'essaie dans le livre souligner ça. Il cherche une formule pour dire qu'est-ce que c'est intellectuel sans avoir encore le mot intellectuel. Donc, je crois que si quelqu'un pense sur l'histoire des intellectuels, il va commencer cette histoire avec ces gens-là qui n'ont pas apporté encore les titres intellectuels. Et vers la fin, c'est-à-dire... Moi, je mets aussi dans les linées, aussi, donc, Condorcet. Condorcet, c'est un grand intellectuel et le grand bâtisseur de la pensée historique européen. Si je continue vers le 19e siècle, on va apparaître comme contre-révolutionnaires, des intellectuels des nouveaux centres qui ont peur de modernité. Et je parle sur Bonnard, Chateaubriand, des gens comme ça qui hésitent face à cette idée universaliste, humaniste, égalitaire, à cause des souffrances de la Révolution et aussi parce qu'ils expriment cette crainte de perdre des privilèges. Mais il y a des Chateaubriand, c'est un écrivain par excellence, c'est un intellectuel engagé par excellence, avec des idées anti-universalistes, avec des idées conservateurs. Alors, je peux dire même réactionnaires, parce qu'il veut aller en arrière, avant la Grande Révolution, avant la République, etc. Donc nous avons, à partir de Chateaubriand, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, on a aussi des intellectuels conservateurs, parfois réactionnaires, qui pensent que ces idées d'égalité, de liberté, ne sont pas toujours l'être humain. Donc nous avons une contre-attaque de la part de gens qui pensent que cette nouveauté des Lumières a fait plus de dégâts pour la société moderne que les conservatismes, quelle est monarchie auparavant, etc., etc., etc. Et on va voir comment cette dualité va traverser tout le 19e, tout le 20e siècle avec vous, toute cette semaine, Shlomo Sand. Merci beaucoup. Demain, donc, suite de notre série « Les intellectuels français, une histoire à écrire ». Merci à vous. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours de 6h à 6h30 par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Et même deux invités ce matin, l'éditrice Jessica Nelson et le comédien Jacques Weber. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et on va parler de Madame... Non, on va pas parler de Madame Bovary, on va commencer à parler des éditions des Saint-Pères qui ont une spécialité, c'est de faire de très très beaux livres dans des coffrets et ce sont des manuscrits de chefs-d'œuvre littéraires. Et le dernier sorti, c'est le Madame Bovary bien sûr, avec une introduction, un très très long texte passionnant de Jacques Weber qui a d'abord lu bien sûr Flaubert, puis joué Flaubert, avant de redécouvrir Flaubert et surtout Madame Bovary, puisque vous l'avez relu à l'occasion de cette édition du manuscrit. C'était une belle occasion, il m'était interdit de ne pas le relire. Enfin, je veux dire, je l'avais parlu depuis très longtemps, depuis enfant. Quoi. Et j'invite les gens. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ces quelques lignes. Et je crois que c'est très important les strates de lecture durant toute une vie. Je pense qu'il est indispensable de lire, relire, re-relire selon les étapes des vies, ce qu'on appelle les grands chefs-d'œuvre, les incontournables, parce que le regard diffère totalement. Et tant pis si on a fait une erreur grossière au début, ce qui a été mon cas. Lorsque j'ai lu Madame Bovary, j'ai pris fait et cause pour Madame Bovary. Je suis tombé littéralement amoureux d'elle. Pour moi, c'était une héroïne comme Le Lys dans la Fallée ou comme L'Éducation sentimentale ou comme toutes ces grandes héroïnes, entre guillemets, grosses guillemets, romantiques. Et je pense que j'étais dans l'erreur totale. Et lorsque j'ai relu, j'ai redécouvert une férocité qui me mettait en question très sérieusement et qui pourfendait le monde que je traverse d'une façon qui entraîne, qui oblige à la lucidité sur le monde que l'on traverse et la classe dans laquelle on est, la région du monde, du pays, de la ville, de la société dans laquelle on est. Et cette lecture, c'était une lecture du manuscrit, c'est-à-dire c'est ça qui est important. Oui, alors m'a plu d'abord, j'ai été très touché parce que moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un analyste littéraire, je suis quelqu'un qui a eu la chance inouïe de jouer sa correspondance. D'abord, de connaître Flaubert sur un tout autre penchant. Peut-être d'ailleurs ce qu'il évitait. Il ne voulait pas que sa correspondance soit connue, Flaubert. Il avait décidé de la brûler. C'est son ami Maxime Ducamp qui a dit surtout, fais pas cette bêtise, c'est trop beau. Et c'est vrai que tout son art qui consiste au retirement, c'est pas de moi, c'est de son fils naturel, c'est Maupassant qui disait ça, en opposition avec la surabondance du génie de Balzac, par exemple, Dans la correspondance de Flaubert, il y a quelque chose qui pète, qui bande, qui éructe, qui vomit, qui sue. Et c'est une langue totalement liberté, totalement sauvage, totalement gourmande, totalement de mauvaise foi. Enfin bref, c'est un homme avec une espèce de cœur chaudière comme ça qui moi m'a bouleversé. Et à partir de là, j'ai trouvé formidable, ça m'a beaucoup touché, honoré, la démarche de Jessica, d'une éditrice, qui consistait à dire, ben voilà, justement, on aime ce regard qui n'a rien à voir, qui va peut-être renouveler un peu le regard littéraire spécialiste là-dessus. Et puis, surtout, d'un seul coup, il était question de présenter et donc d'avoir affaire aux fameux manuscrits. Et ça, c'est quand même une expérience tout à fait bouleversante. Ça me fait penser tout à fait à ce qu'on a appelé, vous savez, à l'école du Louvre. Parfois, quand vous avez le droit d'y aller, on vous raconte ce qu'est le penimento, le repenti du peintre, c'est-à-dire les différentes couches qui amènent au chef-d'œuvre. Je me souviens, par exemple, du Christ de Gréco, qui au départ n'était pas penché, mais droit. Et petit à petit, selon les couches, ça se penche. Et c'est ce qui fait tout le génie, qui met en perspective complètement, qui nous bouleverse totalement. Et ça, de voir ça et de pouvoir s'amuser à s'arrêter. Pourquoi cette rature? D'essayer de regarder derrière la rature. Pourquoi ce chapitre? Ça, c'est une aventure différente qui change un peu notre rapport avec une littérature propre. Et ça, ça me plaît beaucoup. Alors justement, c'est parce que vous avez eu le manuscrit avec ces ratures que vous avez pu avoir une autre lecture de Madame Bovary? Ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que d'une part, j'ai relu très attentivement le livre, comme un homme de mon âge, c'est-à-dire dans le troisième temps, qui a vu un petit peu pas mal de choses. Donc il n'était pas très loin le livre, il était dans votre bibliothèque. Il était là, bien tout sale, bien trituré, bien là, parce que quand j'ai joué la correspondance, de temps en temps, je regardais les passages de Madame Bovary. Et puis après, j'ai dit, regardons ce fameux manuscrit, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent dans ces ratures qu'on retrouve aussi. Surtout, qu'est-ce qu'il ne dit pas, qu'est-ce qu'il décide d'éliminer. Et surtout, qui plus est, parce qu'on sait que chez lui, il y a une décision, vous savez, il avait réuni ses amis, il avait dit bon, fini, je ne vais plus suradjectiver, puisque vous me dites que ce que je fais c'est pas très bon, c'est un peu lourdingue, ok, très bien, alors on y va. Et là il travaille à la cèpe, il travaille, mais il reprend 6-7 fois, il refait 6-7 formes, et enfin on l'a dit, hein, c'est l'ermite de Croisset, c'est 7 ans de boulot, c'est une page, il le dit, pendant un mois j'ai fait 5 pages, chaque page en un mois, mais c'est quoi, je suis de la merde, je suis nul, mais il veut à tout prix, ce qui est une utopie salvatrice, mais il veut trouver le mot juste, ce qui est presque rigoureusement impossible, parce que je me rappelle, je ne sais plus quel auteur qui a dit « les mots ne sont qu'approchants ». Mais c'est pas parce que c'est une grande vérité de dire que les mots ne sont qu'approchants qu'il faut s'en tenir là. Et si on a cette utopie de la justesse, de ce style qui se suffit à lui-même, qui se tient en l'air comme la terre, sans être soutenu, se tient en l'air, c'est quelque chose qui mène à ce style à peu près unique. Peut-être qu'on retrouve à peu près le même génie dans l'équilibre, la pureté absolue, l'incision définitive, la grande chirurgie dans Une vie de Maupassant, par exemple, je crois. Voilà. Jessica Nalson, vous êtes l'éditrice des éditions des Saint-Pères, et c'est vous, bien sûr, qui avez eu l'idée de faire appel à Jacques Weber. Pourquoi ? Parce que je savais que Jacques était un grand lecteur et grand passionné de Flaubert et de Madame Bovary. Depuis la correspondance au théâtre, voilà. Exactement. Ouais. Et je trouvais que Jacques parlant de Flaubert, enfin, je sentais qu'il y avait une vraie connexion et qu'il se passerait vraiment quelque chose. Et nous n'avons pas été déçus, donc Nicolas et moi, puisque Nicolas est mon comparse aux éditions des Saint-Pères. Quand on a reçu la préface de Jacques, on a été absolument enchanté et émerveillé de voir que effectivement ce qu'on avait pressenti était juste, et puis la générosité avec laquelle Jacques donne de lui-même dans ce texte nous a vraiment ravis. Voilà, et c'est une histoire qui va durer 4-5 ans pour écrire Madame Bovary. Alors le manuscrit de Madame Bovary, Il est où? Comment vous l'avez trouvé? Il est à Rouen, il est à la bibliothèque de Rouen et on a eu la chance de pouvoir y avoir accès. Tout a été mis en place à Rouen pour que la mémoire de Flaubert évidemment soit très vive, qu'elle continue, qu'elle rejaillisse à des moments où on ne s'y attend pas et le manuscrit est conservé là-bas et ça a été un grand bonheur d'avoir ce lien avec Rouen, avec la ville de Rouen, avec la bibliothèque, les conservateurs qui nous ont aidés aussi dans la façon de publier le livre. Par exemple, à la fin, nous y avons adjoint les plans et scénarios, une partie qui montre aussi que, voilà, durant l'été 1851, quand il commence à se mettre au boulot, eh bien, il travaille sur ses plans qui vont lui permettre vraiment d'écrire ensuite. Alors, en se reprenant beaucoup. Le plan est très présent aussi. Ça, c'est moi, lorsqu'on a envie d'écrire, on se dit, merde, je ferais bien de faire un plan comme ça. C'est formidable. Alors, vous faites bien de dire, puisqu'aujourd'hui, les écrivains préfèrent dire je travaille sans plan. Oui, mais alors là, il faut vraiment soit du génie, soit une grande pratique. Parce que moi, je trouve que c'est formidable d'avoir un plan. D'avoir l'ossature, le squelette. Comment voulez-vous mettre du muscle sur quelque chose qui ne tient pas, quoi? Enfin, moi, je ne sais pas, je dis ça très, très humblement, mais en tout cas, moi, je vais m'inspirer de ça. La prochaine fois que j'écris, je vais faire un plan très précis. Et oui, parce que Jacques écrit à la main. Voilà. Donc, c'est vraiment. Effectivement, ça rejoint un petit peu ce que vous éprouvez, sans doute, en écrivant. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. C'est quand même considérable qu'on nous parle de Madame Bovary, mais le début de l'écriture, c'est un jeune élève un peu sot, qui sent mal à l'aise, qui est bon, c'est Charles Bovary. Et tout part de la médiocrité déjà d'un enfant et se termine par la médiocrité d'une légion d'honneur. C'est un encadrement qui n'est pas un hasard. Ça se réfléchit. Alors à partir de là, on peut parler du procès de la sottise, du procès du vide, etc. Mais c'est une structure très solide et très forte qui m'a vraiment. Ça c'est une chose que j'ai découverte en le relisant. C'est aux éditions des Saint-Pères, le manuscrit de Madame Bovary. On passe au questionnaire d'un autre jour. Vous allez répondre tous les deux, hein? C'est trois questions. Oh là là. J'ai pas révisé. Non. Quel est le personnage de Flaubert qui vous intrigue le plus? Intrigant. Ah, Jacques Weber. Intrigant. Ouais. C'est quand même ce. Puisque je suis dans Bovary, c'est Homais, c'est le pharmacien. Ça, le pharmacien, il est très troublant parce que sa faconde est plutôt créatrice de liens dans la ville, mais c'est d'une connerie absolument considérable. Et ça amène en plus Bouvard et Pécuchet, qui dans leur volonté, c'est pas si sot. Il y a une espèce d'idéalisme qui est niais, mais qui est quand même de l'idéalisme vers les grandes choses. Et ça, c'est ce paradoxe, je le trouve intéressant. Jessica Nelson. Intrigant. Moi, je la trouve assez intrigante, en fait, cette Madame Bovary. Quels sont les ressorts. Alors, Flaubert les explique un peu, hein, les ressorts psychologiques. Mais voilà, moi, quand la première fois que je l'ai découverte, effectivement, je suis pas tombée amoureuse, mais elle m'a fortement intriguée. Deuxième question, s'il fallait revivre une autre vie en tant que personnage de Flaubert, quel personnage irait le plus à votre goût? Jacques Weber. Ah, irait vers mon goût. Ouais, oui. Oula, alors là, je crois que je serais quand même. Mais dans la vie de tous les jours, pas au cinéma, pas au théâtre. Hein. Oui. Et si c'était Flaubert lui-même, ça, je serais ravi. Ah, ça, c'est sûr. Flaubert lui-même, ah oui. Bien que, bon, c'était pas si marrant tous les jours. Hein. Il est solitaire, il est malade, il suce son kéo pour écrire, mais bon. Jessica Nelson. Ah là là, je vais pas répondre félicité d'un cœur simple parce que quand même c'est un conte un peu. un personnage. Je pense que je rejoindrai un peu Jacques Weber. J'ai envie de vous dire que pourquoi pas Flaubert lui-même. Après tout, allons-y. Et puis enfin troisième question. De toutes les adaptations de Flaubert au cinéma, si décriée, laquelle vous pouvez, à la limite, sauver en disant « c'est presque aussi bon que le roman ». Mais il y a des gens que j'adore qui ont fait des adaptations. Me vient à l'esprit Chabrol, qui est un immense monsieur, enfin, un humour fou et tout. Mais de toute façon, c'est un vrai problème, cette histoire de, des grands. Quand on a été totalement subjugué par un roman, c'est très difficile d'accepter un film. Par contre, il m'est arrivé de découvrir un roman à cause d'un film moyen, Au-dessous du volcan, par exemple. Non, mais alors là, je répondrai aussi comme vous, c'est que, enfin, moi, j'en ai vu aucune des adaptations, précisément parce que je trouve que c'est tellement compliqué. Et je, c'est vrai que quand on a aimé un livre, on n'a pas envie d'entendre une autre musique ou de voir d'autres images. Je ne parle pas seulement de Madame Bovary. Non, mais il y a eu, j'ai vu l'éducation sentimentale à la télévision, le Bouvard et Pécuchet aussi. Et pourtant, il y avait des acteurs magnifiques. Je me souviens de Marielle et de Carmé, adapté par Carrière en plus. Mais c'était formidable. C'était la très très belle télévision, mais il n'empêche que bon, je n'avais pas, vous savez, cette accession au silence de la littérature dont parlait Madame Duras, par exemple. Voilà. Bientôt, vous allez jouer du Beckett au théâtre à partir du 19 avril, Jacques Weber, et alors encore un grand amateur du retirement, de l'épuration, mais alors là, c'est pousser un point absolument à l'extrême, quoi, au tragique, et à la drôlerie. Faut jamais oublier que Beckett est un humour absolument incroyable, corrosif et fou, féroce, comme parce que vous l'avez croisé, vous l'avez connu ? Non, mais dans son dans ses écritures. Alors, attendez, je ne l'ai pas connu, hélas, mais par contre, je l'ai croisé, il a traversé la place de l'Odéon, à vélo, immense, avec cette tête d'aigle, comme ça, d'aigle royal. J'étais totalement bouleversé. J'ai rencontré comme ça, par hasard, vous savez, deux, trois gens, grandes personnes dans ma vie, ça, ils m'ont bouleversé, oui. Mais alors, votre passion de la littérature, Jacques Weber, est-ce que ça vous aide à interpréter des rôles de grands auteurs, ou ça peut, à un certain moment, être intimidant, encombrant? Non, parce que, d'abord, ça doit forcément, comment dirais-je, me nourrir, puisque ça nourrit le bonhomme, ça nourrit le comédien. Mais je pense pas que ça m'encombre parce que je suis tellement intimidé par la littérature. Je prétends tellement ne rien y connaître en littérature. Je me dis tellement que j'ai tellement de milliards de choses à lire que je n'ai pas pu lire, que j'arrive de façon extrêmement candide sur les rôles avec mon petit bagage qui est là, que j'aime bien, qui est confort. Et là, en l'occurrence, voilà. Vous avez joué quel rôle? Alors là, je joue la dernière bande, Crap, qui est une des pièces qu'il a écrit en 60, qui est un homme seul qui a pour habitude à son anniversaire de s'enregistrer. Donc on a trois stades, trois temporalités différentes, des enregistrements qui datent de bien longtemps, qu'il réécoute, et puis à un moment, il décide d'enregistrer sa dernière bande. Et c'est un très vieux monsieur entre un clown et un vieillard qui se désagrège, alcoolique, qui parle. Donc ça me permet une composition, mais surtout, j'accepte ça, parce que je suis dirigé par un des grands monstres du théâtre du XXe siècle, Peter Stein, grand créateur de la Schaubühne et qui a été le maître de Chéreau, Planchon, tout le monde, quoi. Et puis, ça se passe dans un théâtre magnifique, qui a une histoire, qui est le théâtre de l'œuvre, dirigé par un des rares restants bons directeurs de théâtre, Frédéric Franck. Voilà. Et vous serez seul sur scène, bien sûr. Je suis seul. Je serai seul, oui. Merci beaucoup d'être venu nous parler justement de cette pièce qui se joue à partir du 19 avril, je le rappelle, et de ce manuscrit de Madame Bovary édité par les éditions des Saint-Pères. Et on passe au générique. C'est la fin de l'émission. À vous, Jacques Weber, de vous faire le générique de fin. Eh bien, c'était un autre jour est possible, votre réveil culturel tous les matins à 6h sur France Culture, ou quand vous voulez, avec l'écoute en ligne ou le podcast disponible en quelques clics en passant par franceculture.fr. Vous le faites, Jacques Weber? Écoutez les émissions. Je sais pas ce que c'est que le podcast. Et voilà. Tout. Vous avez remarqué la façon dont je l'ai dit. Je ne connais rien à tout ça. Bon. Par contre, j'écoute France Culture et même parfois à 6h du matin. Merci. Un autre jour est possible est une émission de Toufik Hakem réalisée. Bien prononcé. Voilà. Alors, je redis où? Vous pouvez. Un autre jour est possible est une émission de Toufik Hakem réalisée par Thomas Duterre avec la collaboration d'Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet et Manuel Couturier. Oh, vous prenez du temps quand vous annoncez les dames. Bravo, merci, bonne matinée. Nous, on se retrouve demain.